Comment vous dire ces quelques mots, j'ai des sanglots, il me reste quelques mois, je suis malade et le miracle, j'attends ma mère, je voudrais bien qu'elle se monte une prise d'élan pour sauter des obstacles que je pourrais pas franchir. Mon cœur à la vie, à la mort, on s'était pas menti, t'inquiète, je vais rien sentir, mais mon fils, je le verrai pas grandir. Putain, et plus je vous parle, plus mon état s'empire. Je sens que mon souffle s'arrête, mais je m'y attendais grave. Je veux pas entendre de cris ni voir de larmes à mon départ. Je prends souvent les choses à la légère, et puis voilà l'échec. Quand ma larme trace sa route, j'ai tendance à la laisser. Je vous conseille de ne pas rester, de pas rêver, je pars d'ici. La mort me rattrape, elle m'aura avant la calvitie. J'aurais dû prendre les rênes au lieu de vouloir vendre des rêves. En fait, dans cette putain de partie, j'ai pas dû comprendre les règles. Moi, je veux pas qu'on me donne les restes, mon avenir, je veux pas le faire ici. Face à une arme, j'ai tendance à rendre les miennes. J'ai tant mené de guerre, il est temps de laisser les gens. L'espoir fait vivre tout ça, c'est des légendes. Et oui, derrière ce rire se cachent des soupirs. Et j'ai le cœur qui bat sans cesse quand elle me sourit. J'ai tant mené de guerre, il est temps de laisser les gens. L'espoir fait vivre tout ça, c'est des légendes. Et oui, derrière ce rire se cachent des soupirs. Et j'ai le cœur qui bat sans cesse quand elle me sourit. Et puis le mal te félicite, le contrôle est véridique. T'es malade à vie, tu connaîtras pas le monde du père et fils. Pourquoi tu te précipites dans ce précipice? Je veux aller au paradis, mais pas tout de suite. Moi, je suis pas prêt, je suis triste. Après, tu cries, après, tu chiales. Tu lâches des larmes. Elle t'a roulé dans la farine, c'est ce qu'on appelle du charme. Ne combattez pas, c'est cause perdue. Ne me comparez pas quand je serai parti. Je veux rester unique et que mon blaze c'est pas top départ. Prenez-moi dans vos bras, c'est mon pot de départ. Fallait que ça tombe sur moi. Les plaies, moi, je les comptais pas. Faudrait qu'on m'épargne. Je veux tous vous serrer. Sérieux, déconnez pas, je vais pas me faire opérer. Là, je pars pour de bon. Ces étapes, fallait bien qu'on les crame. Toutes ces minutes de bonheur et de plaisir, fallait bien qu'on les gratte. La poisse me collait grave, j'aurais besoin de chorégraphe pour cette danse avec le diable que je ne connais pas. J'ai tant mené de guerre, il est temps de laisser les gens. L'espoir fait vivre tout ça, c'était des légendes. Et oui, derrière ce rire se cachent des soupirs. Et j'ai le cœur qui bat sans cesse quand elle me sourit. J'ai tant mené de guerre, il est temps de laisser les gens. L'espoir fait vivre tout ça, c'était des légendes. Et oui, derrière ce rire se cachent des soupirs. Et j'ai le cœur qui bat sans cesse quand elle me sourit.